Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros était offert sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Allez, c'est l'heure de remonter le temps aujourd'hui dans l'histoire avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 27 mars avez-vous choisi ? Le 27 mars 1803, alors je vais l'appeler le 7 germinal de l'an 11, puisque c'est le calendrier républicain à l'époque qui est en vigueur jusqu'en 1806. Ce jour-là, Bonaparte lance le franc germinal. Le franc germinal, c'est une nouvelle monnaie. Pourquoi ? Ben pour y voir plus clair, d'une certaine manière, l'époque est confuse, je ne vous apprends rien. La révolution a commencé seulement 14 ans plus tôt. Depuis, Bonaparte a pris le pouvoir. Il a lancé de nouvelles institutions comme la Banque de France, par exemple, en 1800. Mais il règne encore une espèce d'anarchie monétaire. On a eu les assignats, un papier monnaie qui va donner naissance aux billets de banque. Plus récemment, le mandat national. La vérité, c'est que l'inflation a mis une pagaille terrible dans l'économie française. Oui, ça n'est jamais bon pour les affaires. Et ça, je ne vous le fais pas dire. Le franc germinal, lui, pèse 5 grammes d'argent, dont 4,5 d'argent pur. Ça, c'est pour les pièces d'un franc. Mm-hmm. Il existe aussi des pièces de 20 francs, qu'on appelle les Napoléons, qui pèsent 6,45 grammes et dont 5,80 sont en or. De la monnaie sonnante, trébuchante. C'est ce qu'on appelle le bimétallisme complet, qui a la particularité d'être un système assez stable. Et du même coup, disparaissent toutes les autres pièces qui étaient encore en circulation. Dites-moi, ça marche, ce franc germinal? En tout cas, pendant tout le 19e siècle, ce sera la valeur sûre en France, mais aussi dans le monde. C'est la Première Guerre mondiale qui va faire chuter sa position dominante. Il vacille ce franc jusqu'en 1928, date à laquelle Poincaré établit l'étalon or. Ce sera le franc Poincaré. Et plus tard, en 1960, viendra l'heure du nouveau franc. On aurait presque oublié tout ça de nos jours, puisque depuis 2002, on est à l'euro, n'est-ce pas ? Effectivement. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour une évocation d'une des plus fascinantes impératrices de Chine, Wu Zetian. À tout à l'heure, Franck. Bienvenue sur Europe 1 et Europe 1.